Je veille, ne crains rien, j'attends que tu t'endormes. Les anges sur ton front viendront poser leur bouche. Je ne veux pas sur toi d'un réveillant des formes farouche, farouche. Je veux qu'en te voyant, là, ta main dans la mienne, le vent change son bruit d'orage en bruit de lyre, et que sur ton sommeil, la sinistre nuit vienne sourire, sourire. Lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé. Le poète est penché sur les berceaux qui tremblent. Il leur parle, il leur dit tout bas de tendres choses. Il est leur amoureux et ses chansons ressemblent aux roses, aux roses. Il est plus pur qu'avril en baumant la pelouse, et que mai dont l'oiseau vient piller la corbeille. Sa voix est un frisson d'âme à rendre jalouse l'abeille, l'abeille. Lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé. Il adore ses nids de soie et de dentelle. Son cœur a des gaietés dans la fraîche demeure qui font rire aux éclats avec des douceurs telles qu'on pleure, qu'on pleure. Et sa pensée errante, alors comme les proues dans l'onde et les drapeaux dans la noire mêlée, est un immense char d'aurore avec des roues ailées. Elle est, elle est, elle est, elle est, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je veille, ne crains rien, j'attends que tu t'endormes. Les anges sur ton front viendront poser leur bouche. Je ne veux pas sur toi d'un réveillant des formes farouche, farouche, farouche, farouche.